Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la mort suspecte de quelques personnages ayant marqué leur époque. Sur le quai du Mont-Blanc, l'impératrice est poignardée par un anarchiste italien, Luigi Lucchini. Il a voulu tuer une impératrice, une tête couronnée, par haine sociale, disant que Lucchini ne pouvait pas tuer une blanchisseuse, mais seulement une impératrice. Sissi, l'impératrice Élisabeth d'Autriche, est assassinée sur les rives du lac Léman à Genève le 10 septembre 1898. L'impératrice serait-elle morte de ce coup de couteau que lui assène Luigi Lucchini si elle n'avait pas souffert d'anorexie? Léon Trotsky est lui aussi assassiné à Mexico d'un coup de pic de glace qu'on lui applique au crâne en août 1940. Aurait-on pu sauver Trotsky en pratiquant sur lui une plus grande trépanation? C'est le genre de question qui passionne mon invité, celui que certains médias ont surnommé l'Indiana Jones des cimetières. Il est avec nous aujourd'hui et avec lui, nous reviendrons sur quelques morts célèbres et mystérieuses à s'être produites au cours de l'histoire. La musique de Mozart, qui est également un cas de mort suspecte dont on parlera au cours de cette émission avec mon invité, le médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier. Philippe Charlier, bonjour. Bonjour. Je précise que les cas de mort suspecte dont on parlera avec vous aujourd'hui sont pour l'essentiel tirés de deux de vos livres, Le roman des morts secrètes de l'histoire, publié aux éditions du Rocher en 2011, et Le secret des grands crimes de l'histoire, publié en 2012 aux éditions La Librairie Vuibert. Pourquoi d'abord, avant d'aborder ces cas de mort suspecte célèbres, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Pourquoi avoir décidé de revenir sur ces cas de mort suspecte de personnalités célèbres dans l'histoire? À l'origine, c'est pas une démarche historique. À l'origine, c'est une démarche scientifique. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire de la recherche en médecine légale sur les cadavres qui nous sont donnés pour des autopsies médico-judiciaires. Du coup, pour progresser, pour trouver de nouvelles méthodes d'identification ou de diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire dire de quoi est morte une personne, on est obligé d'être un petit peu opportuniste, dans le bon sens du terme. Et du coup, on est obligé de se fournir, entre guillemets, en cadavres plus anciens, qui échappent au cadre de la médecine légale. Et c'est comme ça que des rois de France, des écrivains, des compositeurs célèbres, voire même des impératrices austro-hongroises, nous sont utiles pour faire progresser la médecine légale. Ce sont des cas à chaque fois qui sont bien documentés. On a un portrait, on a des archives médicales, parfois de première main, on a des masques mortuaires, on a des cadavres parfois, des cheveux, des moulages ou autre chose. Donc on ne travaille pas de façon complètement absconde ou de façon aveugle. On a quelque chose de réaliste, d'objectif, et également avec un relatif détachement. Mm-hmm. On a suffisamment de temps entre le patient et nous pour être objectif. Et chercher au fond la faille. Qu'est-ce qui fait, dans cette idée de faire progresser la science, qu'est-ce qui fait qu'avec les connaissances d'aujourd'hui, revoir un peu la version officielle, le diagnostic de l'époque, et voir si avec les connaissances du jour, la technologie du jour, le diagnostic serait le même. C'est un peu ça au fond. Ces personnages sont quasiment tout le temps nimbés de mystère. On ne sait pas exactement la cause de leur mort. On imagine toujours des morts plus ou moins abracadabrantesques, des morts mystérieuses. Et à chaque fois, la médecine légale, la toxicologie ou des autopsies peuvent permettre de trouver la solution au mystère, de trouver quelque chose d'objectif. Donc c'est un double intérêt pour l'histoire, bien sûr, mais sincèrement, ce qui me mène plus, c'est la démarche scientifique d'améliorer nos techniques. Mais c'est vrai que ça profite aux deux, sciences humaines et sciences fondamentales. Et comment vous procédez, pardonnez-moi en un mot, mais quand même, de votre méthode de travail? D'abord, c'est un travail qui est collectif. On est un groupement d'à peu près une dizaine, voire parfois une vingtaine de chercheurs en fonction de la complexité du patient, et je les appelle des patients, pas des cas, mais des patients. Et certains nous sont soumis soit par des autorités ecclésiastiques ou autorités politiques ou autres, administratives, c'est-à-dire qu'ils viennent nous dire, voilà, nous avons le tombeau de tel personnage historique chez nous, et on voudrait s'assurer que la dépouille qui est à l'intérieur est bien la bonne, ce qui s'est passé par exemple avec des reliques de Saint-Louis, ce qui s'est passé par exemple avec le corps d'Agnès Sorel ou du Dan de Poitiers. Il faut vérifier ou pas, ou encore même avec la tête d'Henri IV. Est-ce que c'est vraiment ou pas la tête d'Henri IV? Et ce sont surtout les autorités qui vous demandent de faire enquête, ou si c'est vous qui approchez les gens généralement? En grande majorité, ce sont les autorités qui nous demandent, qui nous disent, voilà, vous avez une démarche, une technique originale qui a fait ses preuves, maintenant aidez-nous à démêler le vrai du faux pour tel ou tel patient. C'est sûr que parfois on peut trouver d'autres reliques, par exemple les reliques de Jeanne d'Arc, qui étaient juste à côté du présentoir d'une mèche de cheveux d'Agnès Sorel, et bien on s'est dit, voilà un autre patient qui serait très intéressant. Et là, pour le coup, c'est nous qui l'avons étudié de notre propre fait. Alors, on a quelques patients avec nous aujourd'hui. Ils sont dans la salle d'attente. Commençons par l'impératrice Elisabeth Cécy, l'impératrice d'Autriche. Pour les différents cas qu'on va aborder, on le fera de manière un peu ludique, si vous voulez, Philippe Charlier. Ce sera d'abord la version officielle qu'on explorera avec vous. Et puis ensuite, ce qui vous intéresse dans chacun de ces cas. Cécy, donc, Elisabeth d'Autriche. Quelle est la version officielle? On a entendu un petit extrait au début de l'émission. La version officielle de sa mort. La version officielle de sa mort, c'est Lucchini, qui est un anarchiste italien, qui va la poignarder tout simplement au sortir d'un hôtel de luxe à Genève, alors qu'elle s'apprête à prendre le bateau et à faire une petite navigation. Il lui donne un coup de couteau, elle va sentir un picotement et ensuite se rendre compte qu'elle a été touchée de façon assez profonde et dangereuse. Elle aura à peine le temps de rentrer dans sa chambre et elle va expirer de façon assez rapide. Donc, quelque chose d'assez tranché, sans faire de jeu de mots, un coup de couteau, une hémorragie interne et externe et un décès. Simple, en principe. En principe, simple, mais l'autopsie va montrer des choses assez étonnantes pour ce personnage de Cécy. Et on va y revenir avec vous dans un instant, mais d'abord un extrait, celui qu'on entendait au tout début de l'émission, Jean Descartes, qui nous en parle un peu plus longuement. C'est pas innocent, le choix de cet extrait, vous allez voir, ça vous rejoint un peu, ça rejoint un petit peu la théorie que vous avez sur la mort de Cécy. C'est une entrevue qu'il accorde donc en 1983. Sur le quai du Mont-Blanc, l'impératrice est poignardée par un anarchiste italien, Luigi Lucchini. Il a voulu tuer une impératrice, une tête couronnée, par haine sociale, disant que Lucchini ne pouvait pas tuer une blanchisseuse, mais seulement une impératrice. Mais il n'était pas très fixé, il avait voulu aussi tuer le président de la République française quelque temps auparavant. Et il a tué quelqu'un qui ne tenait plus à la vie, qui n'attendait plus que la mort, qui promenait sa tristesse, son chagrin dans le monde entier avec une très grande lucidité. Cet assassin n'a fait que délivrer Elisabeth et d'ajouter à ce feuilleton tragique le point d'orgue d'une mort brutale. Et alors ça rejoint un peu Philippe Charlier, cet aspect désespéré, cette femme qui traîne son désespoir et sa tristesse partout dans le monde. Ça rejoint un peu, puis les auditeurs vont comprendre pourquoi, votre théorie sur la mort de Cécy. Qu'est-ce qui vous intéressait chez elle? Ce que Jean Descartes décrit, c'est une autopsie psychologique. Oui. Alors moi, je ne m'intéresse pas à l'âme, je m'intéresse au corps, mais malgré tout, on peut tout à fait collaborer, comme on l'a déjà fait avec Jean Descartes. Le personnage de Cécy est extrêmement complexe. Cécy, il faut bien comprendre, oui, vraisemblablement, elle présente des troubles psychiatriques ou neuropsychiatriques réels qu'on pourrait titrer dépression, mais qu'on pourrait également intituler intoxication chronique en des produits stupéfiants interdits. On sait qu'elle prend de la cocaïne de façon assez fréquente. Il y a même une seringue à cocaïne qui est présentée dans la chambre dentelle dans laquelle elle a expiré à Genève, avec d'autres fragments d'elle quasiment présentés comme des reliques. Son ombrelle tachée de sang, un mouchoir avec son sang, sa robe, etc. C'est une femme qui est extrêmement fragilisée par deux choses. Un, sa cocaïnomanie chronique, et deux, son anorexie. Elle ne mange quasiment plus rien. Une pomme, du jus d'orange, un petit peu d'eau chaque jour, c'est tout. Donc elle est totalement, tellement fragile que ce simple coup de couteau, et c'est bien ce que l'autopsie a pu montrer, le couteau a pénétré une côte, il n'est pas passé entre deux côtes, mais il a pénétré et de façon transfixiante une côte qui était tellement fragilisée par l'ostéoporose induite par son anorexie qu'il est ensuite allé jusqu'à la garde à l'intérieur du corps. En gros, et pour faire simple, même si c'est un petit peu tranché à nouveau, si jamais Cécy n'avait pas été anorexique et du coup n'avait pas développé son ostéoporose complète liée à son anorexie, le couteau de Lucchini ne serait peut-être pas rentré jusqu'au bout. Peut-être, du coup, aurait-elle été délivrée de son mal-être un petit peu plus tard. Une femme, autrement dit, entre guillemets, normalement constituée, aurait probablement survécu. elle aurait eu plus de chances de survie, en tout cas. Ouais. Plus de chances de survie. Deuxième figure historique à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, deuxième patient qui nous attend donc dans cette salle, la figure du révolutionnaire russe Léon Trotsky. Encore une fois, une histoire d'assassinat. Il meurt à Mexico en 1940. Pour nous décrire un petit peu la version officielle, justement, extrait d'un reportage de Jean-Michel Leprince qui est diffusé en 2007. Vous allez entendre dans ce reportage, c'est lui que vous entendez d'abord d'ailleurs, le petit-fils de Trotsky, Esteban Sieva Volkov, parler de la mort de son grand-père. C'est là qu'il a souffert le dernier attentat, le final, oui. Donc, et vous, Staline alors... a réussi à le tuer, oui. Trotsky était assis à son bureau lorsqu'il a eu le crâne défoncé d'un coup de piolet de montagne. L'assassin, Ramon Mercader, un communiste catalan. Il se disait journaliste belge et voyageait avec un faux passeport canadien. Il avait séduit la secrétaire de Trotsky pour pouvoir entrer dans le cercle intime. Il s'est levé, il a pu marcher. Quand sa femme est venue, Nathalie, on l'a couché ici, dans cette partie ici, dans la salle à manger par terre. Oui. Et donc là, il pouvait encore, il était conscient. Oui, encore il parlait un peu lentement, mais encore il parlait. Moi, je rentrais par là et j'ai pu voir. Cette porte était un peu fermée, mais j'ai pu voir par l'ouverture de la porte le grand-père là. Par terre, bagné de sang avec les camarades autour. Ce qui m'a toujours impressionné beaucoup, voilà. Au moment où j'arrivais, il a indiqué aux camarades, ses amis qui étaient autour de lui, Nathalie, un, deux, trois de ses camarades, secrétaires, gardes, et éloignez Sieva, il ne doit pas voir ça, le petit-fils, éloignez-le. Ouais. Et en même temps aussi, il a indiqué, quand il a entendu que les gardes frappaient l'assassin, il ne faut pas le tuer, il a dit, il doit parler. Alors, Philippe Charlier, on l'entend bien dans cet extrait, Trotsky ne meurt pas tout de suite, il va survivre, il parle encore après avoir reçu ce coup de pic dans le crâne. Qu'est-ce qui, chez Trotsky, soulève un doute chez vous? D'abord, ce témoignage est génialissime. Merci pour ce cadeau. Plusieurs choses. D'abord, j'ai entendu le mot « piolet de montagne ». C'est un pic à glace qui a été utilisé. Mais plutôt, les pics à glace, on le sait par la morphologie, n'ont pas utilisé en montagne, d'après l'enquête de police. Oui. Mais voilà, c'est toujours sujet à caution. Donc, plus petit. Plus petit, en fait. Oui. Vous savez, les pics à glace qu'on utilise pour briser la glace, pour mettre ensuite dans un whisky ou autre D'accord. chose. Malgré tout, en effet, Trotsky n'est pas mort tout de suite. Le piolet s'est enfoncé très, très profondément au niveau du vertex, à l'intérieur du crâne de Trotsky. Il a été retiré un petit peu après, mais Trotsky a mis plusieurs heures et plusieurs jours, en l'occurrence, à mourir en restant conscient très, très longtemps. Et c'est là le problème. C'est que Trotsky est un véritable animal politique, entre guillemets, qui est partagé entre plusieurs clans, et les États-Unis ont eu énormément peur. Ils avaient la possibilité technique, si jamais Trotsky avait été transféré aux États-Unis, notamment il y a eu une proposition de transférer à Princeton University pour le traiter dans un centre de neurochirurgie, mais les États-Unis ont préféré retarder l'accueil, évidemment le laisser mourir, plutôt ouais. que prendre un risque politique vis-à-vis de l'URSS de l'accueillir à ce moment-là. Et on a toute cette correspondance entre les différents clans universitaires, politiques et autres qui disent gagnez du temps, en gros laissez-le mourir plutôt que de créer un incident diplomatique. Finalement, des médecins et neurochirurgiens sont envoyés à Mexico qui, eux, vont assister à sa mort, tout simplement, tenter le tout pour le tout, l'emmener ensuite à Mexico, où il va agoniser et finir par mourir, faute de soins malheureusement adaptés à Mexico à cette période-là. Alors à nouveau, on n'est pas là pour refaire l'histoire, mais on est là pour poser un diagnostic médico-légal sur cette prise en charge. Elle n'a pas été adaptée, elle a été retardée, et peut-être aurait-il survécu. C'est possible. Qu'est-ce qui aurait pu le sauver ? Il fallait faire une trépanation, tout simplement, c'est-à-dire retirer un fragment de calotte crânienne, lever la pression, parce que ce piolet provoque une suffusion de sang, une hémorragie cataclysmique à l'intérieur du crâne, qui ne pouvait pas sortir à l'extérieur, qui était bloquée par une sorte de clapet. Tout ceci, à nouveau, est bien décrit dans le dossier médical de Trotsky. Et on a également les radiographies du crâne de Trotsky, avec le piolet encore à l'intérieur, donc c'est quelque chose... un document de première main, il fallait faire une levée de cette pression excessive à l'intérieur du crâne. Plus grande, parce qu'il y en a eu une, je pense, mais il aurait fallu en faire une plus grande. Un trépan beaucoup plus grand. Il y a une toute petite trépanation qui a été réalisée, mais elle était nettement insuffisante, NDP. Ouais. Pas adaptée pour l'hémorragie cataclysmique. Mmh. Autre extrait du Requiem de Mozart. Mozart, qui est un fascinant cas aussi de patient, Philippe Charlier. Il meurt à l'âge de 35 ans, en 1791, très jeune donc. Et ce qui est fascinant dans cette mort de Mozart, c'est qu'il y a vraiment tout un tas de théories, de complots, d'assassinats. Racontez-nous un peu ce qui circule autour de cette mort de Mozart. D'abord, on ne peut pas imaginer qu'un personnage historique, a fortiori Mozart, mais n'importe quel autre, puisse mourir d'une mort naturelle. C'est pas possible. Il y a forcément la théorie du complot qui se réveille. Et c'est vrai que le film de Milos Forman, Amadeus, a énormément aidé à cette conspiration, on va dire, à entretenir ce mythe, avec le personnage central de Salieri, qui était un ennemi théorique de Mozart, qui était loin d'être un mauvais compositeur d'ailleurs. Et voilà, malgré tout, on a suspecté que c'était lui qui avait empoisonné ouais. Mozart, qui avait facilité sa mort, etc. Parce que les deux grands rivaux, donc, à l'époque. Voilà, c'est ça, ouais. Les deux Kapellmeister. Ouais. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que Mozart meurt dans un dénuement complet. Il meurt sans le sou. Il meurt dans un contexte d'énormément d'épidémies à Salzbourg, à Vienne, dans toute l'Autriche à ce moment-ci. Et une étude a été réalisée par mes collègues dans une revue qui s'appelle Les Annales de médecine interne aux États-Unis. Et ils se sont fondés sur l'étude systématique de tous les actes de décès à Vienne au moment de la mort de Mozart. Ils se sont rendus compte que le pauvre Wolfgang meurt dans une période d'épidémie extrêmement intense, avec des gens qui meurent à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Lui est tout à fait dans la norme avec ses 35 ans. Et il y a une épidémie vraisemblablement d'infection intestinale type fièvre typhoïde. Il ne faut pas chercher plus loin. Il meurt dans un contexte infectieux, épidémique, comme énormément d'autres Viennois, des milliers probablement. Et voilà, point barre. C'est ouais. tout. Il ne faut pas chercher le poison là où il n'existe pas. Il ne faut pas chercher la dague, le coup de couteau ou autre chose. Il faut être raisonnable. Quand on a une cause de mort qui est évidente, on ne peut pas s'empêcher de fantasmer, ouais. mais ça fait partie du plaisir d'autrui d'imaginer une mort un peu fantastique. Et ce sera le cas avec les théories d'assassinat, mais plus que ça, il y aura aussi toute une série de... une enquête, au fond, autour du crâne de Mozart. Alors ça, c'est autre chose. Qu'est devenu le crâne de Mozart ? Il y a un crâne qui est présenté à Vienne, qui en étant le crâne dit de Mozart, et vraisemblablement... il y a de grandes chances que ça soit lui. Au moment où Mozart meurt, il est enterré dans une fosse non pas commune, mais dans une fosse communale. Fosse commune, il y a plusieurs centaines de corps dedans. Une fosse communale, c'est une fosse qui est bien limitée, de 20 ou 30 personnes, pas plus. Et ensuite, on n'y touche plus. C'est pour les gens qui n'ont pas énormément d'argent. Et le fossoyeur connaît quand même la réputation de Mozart et il aurait noué des morceaux de tissu réputés solides et difficilement... altérable, on va dire, autour du cou de Mozart ou au cours du bras ou de la cheville. Et plusieurs années plus tard, son fils serait revenu sur les lieux et aurait récupéré des éléments du squelette de Mozart, notamment le crâne, en se fondant sur ces fragments de tissu qui, en théorie, étaient toujours présents. Et c'est ainsi que le crâne a été conservé. Maintenant, comment appliquer une méthode médico-légale ? Je ne l'ai pas fait moi, mais je me fonde sur ce qu'ont fait mes collègues, et en l'occurrence plutôt bien fait. Quand on fait une superposition de ce crâne de Mozart sur différents portraits de Mozart, on a une correspondance anatomique. Mais un portrait, c'est pas très objectif. Ouais. C'est pas un masque mortuaire. En revanche, quand on étudie l'état bucco-dentaire de Mozart, quand on étudie l'état bucco-dentaire de ce crâne, eh bien on se rend compte qu'il y a une correspondance exacte entre les pertes dentaires, les abcès. On sait par exemple que Mozart arrachait des petites esquilles de bois sous les tables auxquelles il dînait pour s'en servir comme cure-dent parce qu'il avait un volumineux abcès ou une volumineuse carie cavitaire, donc une grosse carie à l'intérieur d'une dent qui a été retrouvée notamment sur ce crâne. Mais vous me direz, il n'y a pas que Mozart qui a des grosses caries à Vienne en 1791. Voilà, c'est le problème. Ouais. On termine l'émission en beauté avec cette figure de Cléopâtre. La version officielle, d'abord, de cette mort de Cléopâtre. La version officielle, Cléopâtre se suicide en mettant sa main dans un panier de figues dans lequel se trouvent un ou plusieurs aspics, des petits serpents extrêmement toxiques et venimeux en Égypte, à Alexandrie, parce qu'elle est en pleine disgrâce. Marc-Antoine vient de mourir et de passer de vie à trépas, et elle sent qu'elle-même va être tuée très, très, très rapidement. Elle ne meurt pas toute seule, d'autres personnes de sa suite, des esclaves et des concubines, meurt à côté d'elle. Et vous, dans cette histoire, c'est pas tellement la façon dont elle meurt qui vous intéresse, mais au fond, la grande question pour vous, c'est qui était vraiment Cléopâtre ? Cléopâtre. Oui, c'est la vraie question. Alors, on n'a plus la dépouille de Cléopâtre. On a une possibilité de. Je vais vous en parler juste après. Peut-être Cléopâtre se trouve à Paris actuellement, d'après une autre légende. On a la sœur de Cléopâtre, Arsinoé IV, dont le squelette a été retrouvé à Éphèse, dans un tombeau par l'équipe de fouilles autrichienne. Donc, on peut toucher du doigt, si on peut dire, le patrimoine génétique de la sœur de Cléopâtre, mais peut-être la demi-sœur et non pas sa sœur officielle. Ouais. Donc, ça crée une dispersion génétique. C'est pas si évident que ça. En tout cas, c'est une femme qui est égyptienne et grecque. Elle a vraiment ces deux sangs mêlés, ce qui fait à la fois sa beauté redoutable, paraît-il, mais également un patrimoine génétique extrêmement, non pas original, mais extrêmement fréquent dans cette Égypte des Lagides, c'est-à-dire sous domination grecque, principalement dans la partie supérieure de l'Égypte. Le corps de Cléopâtre, qu'est-ce qu'il en reste ? Eh bien, il est peut-être à Paris, puisque une momie dite de Cléopâtre aurait été récupérée lors de l'expédition d'Égypte, je pense que c'est une légende, aurait été récupérée lors de l'expédition d'Égypte par les suiveurs de Napoléon et de toute l'expédition, ramenée à Paris avec d'autres momies, mais l'équilibre avait été rompu entre le climat de l'Égypte et le climat de Paris, qui est parfois pluvieux, comme vous savez, et du coup, la momie a commencé à se gâter, à s'abîmer un tout petit peu, et il a été décidé de l'enterrer dans les jardins de la Bibliothèque nationale, et depuis, paraît-il, les arbres ne fleurissent plus, en deuil. Donc voilà, peut-être un jour irons-nous avec une truelle rechercher la momie de Cléopâtre. Et pour qu'on comprenne bien ce patrimoine génétique dont vous nous parliez chez Cléopâtre, on n'en est pas certain, mais quand on compare à cette sœur ou cette demi-sœur, au fond, Cléopâtre ne correspondrait pas, c'est ça la clé, à cette image qu'on nous a présentée au cinéma. C'est pas la blancheur et si ça s'avère, Cléopâtre n'était pas cette femme qu'on pense qu'elle était. Mais même les Égyptiens n'avaient pas une peau blanche. Ouais. Les Égyptiens étaient une population à peau bien plus sombre que ce qu'on représente dans les films hollywoodiens ou ailleurs. C'est une population comme toujours actuellement, même si maintenant il y a eu d'autres mouvements de population qui sont venus changer le patrimoine génétique égyptien. Mais les Égyptiens ne sont pas une population à peau blanche. Voilà, c'est pas du tout une détermination qui est raciale ou raciste, bien au contraire. Ouais. Il faut retirer cette vision totalement occidentale du peuple égyptien. Philippe Charlier, on aurait pu faire comme ça deux ou trois émissions. Faudra revenir. Il y a plein de patients encore qui nous attendent dans la salle d'attente. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Avec plaisir. Philippe Charlier, je vous le rappelle, médecin légiste, anthropologue, auteur de nombreux livres, dont Scènes de crime, publié en 2015 aux éditions du Rocher. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.